Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, ça devait arriver un jour dans l'émission. Eh bien Sophie et moi, nous traitons du même sujet, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va ne traiter que de ça. C'est parti! Comment ça va Sophie? Bah du coup, un peu embêté. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai indiqué que j'allais traiter un sujet et au final, je ne l'ai pas fait. Donc c'est entièrement de ma faute. J'ai malheureusement pas assez d'informations à communiquer sur le sujet que je voulais évoquer. Donc on va en parler dans la rétro piou-piou bien sûr. Mais donc du coup, on parle de quoi, Sophie, aujourd'hui? Je suis surpris, je suis extatique de savoir. Évidemment. Eh ben, on va parler d'un petit oiseau qui s'appelle la rousserolle des Seychelles. Et on va parler de son divorce. Exactement. On va parler du divorce de la rousserolle des Seychelles. Ça va être assez marrant. Oui, quand on parle du divorce, c'est jamais très drôle. Mais oui, c'est une étude assez intéressante à étudier parce qu'il y a plein de choses à dire autour de ce sujet. Mais d'abord, eh bien, comme toujours, la rétro piou-piou. Est-ce que tu veux que je commence par parler de cette rétro parce que moi, je devais parler de la grue du Japon à l'origine. Oui. Pourquoi, Sophie? Eh bien, parce que j'ai découvert que dans les années 20, la grue du Japon, qui est aujourd'hui un des symboles nationaux du pays, a failli disparaître. Elle a failli disparaître. Franchement, j'ai été extraordinairement surpris de cette information. Et on fêtait justement cette année, pas plus tard qu'il y a quelques jours, la redécouverte de 10 oiseaux qui avaient été trouvés sur l'île d'Hokkaido, à l'est de l'île d'Hokkaido, dans les marais de Kushiro. Et c'est à partir de ce petit groupe d'oiseaux, une dizaine donc, qu'on a commencé à refaire des actions de conservation, à construire un protocole de conservation à partir des années 50. Et c'est réellement à partir des années 58-60 que ce programme de, on va dire, conservation de l'oiseau a commencé à être mis en place. Et comme vous le savez sans doute, puisqu'aujourd'hui on parle de la grue du Japon en tant qu'emblème national, a porté ses fruits. Et ce que je voulais évoquer, et c'est peut-être quelque chose que j'évoquerai la semaine prochaine en fonction des informations que j'aurai à ma disposition, c'est que cet oiseau aurait été notamment conservé, le programme de conservation aurait été flamboyant. Pourquoi? Parce que les enfants auraient été impliqués dedans. C'est une étude menée par Jeannette Borland que l'on retrouve donc dans Environment History en date de janvier 2022. C'est une étude malheureusement qui n'est pas disponible au public et c'est de ça dont je voulais parler, c'était de vous parler de comment les enfants ont influencé justement le programme de conservation de la grue du Japon qui est aujourd'hui devenu un emblème national du pays. Voilà ce que je voulais évoquer et malheureusement ce que je n'ai pas pu évoquer la raison que je vous ai citée il y a quelques instants. Hélas. Écoute, il faudra apprendre à parler japonais, comme ça je suis sûre qu'on aura des infos de première main. la publication est en anglais, malheureusement elle est derrière un paywall, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu, avoir accès à ces informations. Et les informations, mine de rien, sur ce programme de conservation sont très éparses. Même sur les sites japonais, on a assez peu d'informations finalement sur les programmes de conservation de cet oiseau. Donc voilà, c'est malheureusement par manque d'informations que je n'ai pas pu traiter ce sujet aujourd'hui. Très bien. Et moi, écoute, aujourd'hui, j'avais envie de vous ramener une petite publication qui a été publiée dans Science cette fois-là sur l'hybridation de deux espèces d'oiseaux. Alors, on est entre le Mexique et l'Amérique du Sud, et ces petits oiseaux, ces deux espèces qui sont très très très très proches, évidemment c'est le même genre, hein, donc on est sur la même famille. Et en fait, il se trouve que lorsque ces deux espèces s'hybrident, eh ben, ça donne une coloration un poil différente avec un oiseau qui va avoir soudainement des caroténoïdes qui apparaissent au niveau de sa gorge, qui sont un peu différentes de celles qu'on pourrait trouver dans les deux espèces de base. Et c'est un petit article intéressant, mais comme j'ai déjà parlé de coloration la semaine dernière, il me semble, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais parler d'autre chose. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette publication qui est très sympa. Un poil touffu quand même au niveau de la science qui est là-dedans. Bon, si vous avez vu déjà nos épisodes précédents sur la coloration, ça devrait vous rappeler deux, trois petites choses. Mais voilà, allez-y préparer quand même, on mettra les liens dans la description si besoin. Exactement. On reste au Japon, de mon côté, avec une information transmise par BirdLife International. Alors, c'est pas vraiment une information, on va dire, qui s'inscrit dans le temps, comme on pourrait justement vous parler de certaines apparitions, disparitions d'oiseaux ou ce genre de choses-là. Mais justement, à l'issue de la COP29, BirdLife International, COP29 qui a été une catastrophe, on est bien d'accord là-dessus. Mais à l'issue donc de cette COP29, eh bien BirdLife a réalisé un petit article pour parler de quelques actions de conservation qui avaient porté leurs fruits au niveau international. Et c'est notamment le cas pour le pic d'Okinawa, une espèce donc endémique du Japon, encore une fois, comme je le précisais. Au début des années 90, l'oiseau ne comptait qu'environ 50% de couples reproducteurs. En 2007, il y a un programme de conservation qui a été mis en place, qui a été renforcé en 2016, et aujourd'hui, on a un nombre compris entre 100 et 300 individus, un nombre qui est stable, et c'est pourquoi eh bien, l'IUCN a décidé de placer cet oiseau non plus en danger critique d'extinction, mais en danger, même si, évidemment, 300 individus, 100 à 300 individus, ça vous, repeuple pas une forêt entière, donc il faut continuer ces actions de conservation. Mais voilà, je voulais parler aussi de cette petite information. On a parlé il y a pas longtemps d'un oiseau qui a disparu, il y en a certains qui se portent un tout petit peu mieux. Eh bien, une petite news un peu sympathique de mon côté, il va certainement vous faire rire un peu. Vous savez que les dindes en Amérique du Sud, c'est des oiseaux qui sont chassés. Ouais. Voilà, notamment dans cette période de l'année, pour Thanksgiving, on aime bien avoir une dinde sur la table, donc qu'est-ce qu'on fait ? On part chasser la dinde. Sauf que, il semblerait que ça devienne de plus en plus difficile pour les chasseurs de chasser les dindes, parce que les dindes, elles s'adaptent. Et elles s'adaptent à nos stratégies d'accord. de chasse et à nos chasseurs. D'accord. Et en l'occurrence, elles ont développé des comportements, et ça a été étudié récemment par une université, par l'UGA Warnell School of Forestry and Natural Resources, donc en Géorgie, qui a étudié donc le mouvement des dindes et comment elles se comportaient pendant la saison de chasse, pas n'importe quand, et il semblerait qu'elles aient compris où les chasseurs étaient et ajuster leur comportement en conséquence. C'est-à-dire qu'elles vont, à cette période-là, se réfugier dans des zones beaucoup plus, avec un couvert végétal beaucoup plus important, qui sont beaucoup plus éloignées des habitations, et elles ne reviennent dans les endroits qui sont proches des habitations que lorsque la saison de chasse est finie. C'est fou. Voilà. Incroyable. Donc c'est assez drôle. Par contre, le petit problème avec ça, c'est que dans ces environnements qui sont plus loin de l'homme et qui sont avec un couvert végétal plus important, vous avez aussi plus de prédateurs qui ne sont pas l'homme, du coup. Et donc c'est un petit peu... C'est aussi un problème pour elles, parce que certes, elles vont pas se faire choper par le chasseur, mais il est possible qu'elles se fassent attraper par quelque chose d'autre dans ces cas-là. Donc voilà, il faut... C'est une balance entre les deux, faut essayer d'arriver à tirer son épingle du jeu au maximum, mais ces oiseaux-là s'adaptent bien, il semblerait, et sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas du tout stupides. Incroyable, incroyable. Moi, ça me rappelle une étude sur la patate vulturine il y a quelques années, qui montrait justement, de manière satellitaire, donc des plans par satellite, que les individus se réunissaient par groupes sociaux. D'accord. Je sais pas si je sais pas si tu avais vu cette étude, ça date d'il y a peut-être 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Non, je crois pas l'avoir vu passer celle-là. Et c'était particulièrement intéressant à voir parce que généralement les groupes sociaux, ben, on s'attend à les voir chez certaines espèces d'oiseaux, on va dire très classiques, qu'on a l'habitude de citer très régulièrement dans le courrier de la Sterne. Mais chez la Oui. pintade, ça a surpris beaucoup de gens de voir ce genre de comportement aussi exister. Donc, Mais les gens sont toujours surpris par ce genre d'oiseaux absolument. quand ils ont des comportements un peu différents, alors qu'en fait c'est pas vraiment c'est pas une surprise au final. Quand vous connaissez bien l'animal, ça devrait pas être une surprise. Absolument. Bah moi de mon côté j'ai terminé pour la rétro. Est-ce que tu as une information à rajouter, Sophie? Non, bah, je crois que c'est tout, ça joue pas si mal. Bah on va partir pour les Seychelles du coup, tous les deux, Allez, à la on est parti rencontre pour de les la Seychelles. rousserolle des Seychelles. Je vais commencer et puis tu prendras ma suite. Alors c'est un oiseau qui, bah, un peu comme le pic d'Okinawa que j'ai cité il y a quelques instants et comme la grue du Japon, qui a connu des... comment dire? Des années 50-60 compliquées, puisque en 1960, dans les années 60, il n'y avait que 29 individus qui ont été retrouvés dans un hectare de mangrove de l'île Cousin. Oui, l'île Mais Cousin, c'est une île qu'on a déjà évoquée dans le courrier de la Sterne. J'ai l'impression oui, qu'on on fait toujours les mêmes choses, on bouge pas beaucoup géographiquement dans l'émission depuis quelques épisodes. Et donc cet oiseau, il a été retrouvé, et ce qu'on a décidé de faire, c'est de le translocaliser dans quatre autres îles de l'archipel. Donc il y a des individus qui sont restés sur l'île Cousin. Et il y a des individus ensuite eh bien, qui ont été répertoriés partout dans l'archipel des Seychelles. Aujourd'hui, la population elle est estimée à environ 3000 individus. Toujours des individus vivant sur les 5 îles. Et le statut de l'oiseau, on parlait du statut du pic d'Okinawa qui avait changé. Eh bien, depuis 2013, le statut de la rousserolle des Seychelles est passé à vulnérable. Et c'est d'ailleurs sur cette île bah, qu'on a réalisé l'étude sur laquelle on va revenir d'ici quelques instants, qui va nous permettre eh bien, par la suite de parler un petit peu plus facilement du sujet principal, à savoir les divorces. Alors les divorces, on va en parler un petit peu chez les oiseaux. Les rousserolles, elles sont monogames, comme on va dire 90% des Beaucoup, oiseaux oui. actuels, hein, voilà. Beaucoup d'oiseaux, oui. Mais attention, monogame ne veut pas dire que ces oiseaux restent tout le temps de leur vie avec leur partenaire. Hein. On Non, n'est pas pas du chez tout. les corvidés, on n'est pas chez les rapaces, on n'est pas chez les inséparables qui sont connus pour. C'est pour ça qu'on a un taux absolument ahurissant de 92% de divorces par année pour diverses raisons. Ça peut être des incompatibilités génétiques, ça peut être bah, la recherche d'un partenaire de meilleure qualité, tout simplement. Hein. L'objectif, ça reste quand même de transmettre ses gènes au partenaire et bien d'établir une descendance avec les gènes qui ont la meilleure qualité. Donc ça peut être un partenaire qui a par exemple un statut de dominance sur un territoire particulier ou ce genre de choses. Et moi je l'ai appris dans l'étude, Sophie peut-être que tu as eu l'occasion de le voir, le divorce peut être accidentel parce que l'oiseau peut en fait... il peut y avoir des retards dans la migration des oiseaux qui Oui. n'arrivent pas à l'heure. Et bah, quand les individus n'arrivent pas à l'heure, bah, du coup, on a un divorce comme ça qui peut se produire parce que bah, l'individu est arrivé trop tardivement sur le site de reproduction. Donc j'ai Ben trouvé oui. cette information particulièrement drôle, personnellement. Ben, qui part à la chasse perd sa place, tout le monde le Mais sait. Tout le monde exactement. le sait. Et, Voilà. exactement. Hein, Donc si vous voilà. tardez trop à déclarer votre flamme à votre bien-aimé, même si vous arrivez trop tard avec le bouquet de fleurs, bah voilà, c'est trop tard. Il y a déjà quelqu'un qui est passé avant. La Voilà. distance est un véritable problème, effectivement, Même mais chez les oiseaux. même chez les oiseaux, exactement. Donc voilà un petit peu les exemples qu'on pouvait citer de cas de divorce hein, chez les oiseaux. Et puis il y a d'autres choses qui ont été établies. Et on a essayé un petit peu de réfléchir sur les conditions météo. C'était une étude qui avait été réalisée en 2010, mais voilà, c'était pas des choses qui avaient été très très très bien travaillées pour le coup. Et c'est sur ça justement que cette étude va un petit peu se concentrer, Sophie. Exactement. Alors cette étude se concentre donc sur, il me semble que c'était 16 ans de données qui ont été récoltées, ce qui est quand même pas rien. 16 ans de données sur lesquelles on a récolté non seulement le taux de divorce chez ces oiseaux-là, mais aussi les conditions météo. Et en l'occurrence, ils ont réussi à trouver une corrélation entre les deux. et notamment avec la pluie, les conditions où il y avait beaucoup beaucoup de pluie, donc pendant les épisodes notamment d'El Niño, eh ben on a des conditions climatiques qui sont très très différentes de d'habitude, qui vont ramener beaucoup de pluie, qui vont ramener des tempêtes, qui vont ramener ce genre de choses, et qui donc vont encourager l'oiseau à divorcer. Alors, C'est bizarre dit comme ça. divorcer, Il voit la pluie le matin, il fait dit comme Oh, je ça, vais divorcer. il flotte, je divorce. Oui, non, bon, voilà, dit comme ça, évidemment. Mais il faut bien Joyeux comprendre Noël! que. Ah Faut bien comprendre On sera peut-être en que. janvier, mais bon, vous avez compris l'idée. Faut bien comprendre que la pluie chez ces oiseaux-là, c'est pas n'importe quoi. La pluie, et notamment pendant des épisodes d'El Niño, c'est pas juste trois gouttes d'une petite bruine fine qui va tomber chez vous le matin. C'est de la tempête. C'est de la grosse tempête. C'est des orages, c'est des averses avec de l'eau à foison. C'est des moments où les oiseaux vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à retrouver à manger. C'est des moments où ça va être très compliqué en fait de survivre déjà, mais alors encore plus d'élever une nichée, vous imaginez, si vous déjà vous n'arrivez pas à vous nourrir vous, imaginez comment vous allez faire pour nourrir des poussins en plus. Donc c'est en ça que c'est compliqué. Alors du coup, l'une des hypothèses et une des choses qu'ils ont testées, c'était est-ce que, donc à cause de ces changements climatiques dus à El Niño, voire même La Niña hein, de temps en temps, est-ce que tout ça, c'est pas... Ça va avoir vraiment un très très gros effet sur ces oiseaux-là, mais aussi, est-ce que c'est vraiment la pluie le problème? Est-ce que ça a un effet vraiment vraiment important, ou est-ce que c'est juste minimal? Est-ce que dans ces cas-là, il y a un autre type d'oiseau qui va être choisi? Est-ce que c'est les mâles qui vont essayer de trouver des femelles peut-être un peu plus intéressantes pour eux? Est-ce que c'est les femelles qui vont essayer de trouver des choses? Donc c'est, il y a encore plein de choses à tester, et je pense qu'ils n'ont pas encore tout trouvé. Il y a beaucoup de Ils le choses à disent d'ailleurs faire. dans l'étude, il faudra un petit peu plus approfondir cela Voilà. par rapport à d'autres oiseaux. Exactement. Exactement. Et du coup, c'était très intéressant en fait de lire cette étude. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas derrière un paywall, hein, si Non, vous pas voulez du aller la tout, elle est voir. entièrement Pas du tout. gratuite. Voilà. Donc c'est très intéressant. Mais avant, je pense de rentrer dans les détails, je veux juste parler un petit peu de la manière dont ces animaux se reproduisent, parce que peut-être ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne chez eux, parce que en fait, c'est pas juste un couple d'oiseaux qui va se reproduire tout seul, faire sa nichée, etc. Ce sont des oiseaux qui vont utiliser des aides pour se reproduire. Alors, comme on l'a vu chez d'autres espèces, on avait parlé dans d'autres épisodes, il me semble. Hein. Les fameux helpers, hein, pour ceux Voilà, les qui... helpers. Exactement. Ceux qui vont aider les parents, donc ceux qui ont pondu les œufs, en l'occurrence, à élever la nichée. Donc, chez ces oiseaux-là, en fait, les poussins des années précédentes vont revenir pour aider les parents à élever les jeunes. Donc ça va aussi peser dans la balance lorsque ces animaux vont devoir élever les poussins, parce qu'évidemment plus vous avez d'aide pour élever vos poussins, ben, plus vous pouvez élever de poussins, parce que ça veut dire c'est plus simple de nourrir toutes ces bouches supplémentaires. Parce que quand vous devez faire des allers-retours toutes les 5 minutes pour aller chercher des petits vers, des petites chenilles ou des choses comme ça devient facilement fatigant. Donc, en l'occurrence, il y a plusieurs études qui ont été faites. Alors, c'est pas spécialement celle-là, il y en a d'autres qui ont été faites précédemment, et je pense qu'on pourra peut-être leur mettre un lien vers un site qui s'appelle le Seychelles Warbler Project, où vous Absolument. avez, alors je pense que tu l'as lu aussi certainement, Oui, je... vous avez tous les résultats des recherches qui ont été faites précédemment, et notamment des recherches sur ce qu'on appelle alors en anglais ça se dit cooperative breeding. En français, on pourrait traduire par la reproduction coopérative. La J'imagine que vous voyez un peu coopération comment. dans la reproduction, je pense, Voilà, ça peut peut-être. être... Bon, enfin, vous voyez un peu ce qu'on veut dire. En gros, c'est comment est-ce que tout ça fonctionne, et pourquoi est-ce que ces animaux ont décidé d'avoir des aides pour la reproduction, et comment ça marche. Alors, je sais pas si tu avais lu un petit peu dans les détails, mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez deux types d'oiseaux qui vont être produits lors de ces reproductions, les mâles et les femelles, et en l'occurrence ceux qui vont aider le plus souvent lors de la reproduction pour les années suivantes, ça va pas être les mâles, parce que les mâles ils vont se disperser pour essayer de trouver des territoires avec des femelles, ça va être les femelles qui vont rester. Qui corrobore ce que tu avais dit dans un précédent, dans une précédente rétro-piou-piou où tu avais parlé Oui. justement de ce genre d'études. Tout se connecte, mon Dieu. C'est incroyable. Incroyable. C'est un multivers, t'as vu ça? Oh, la taille du multivers. Voilà. Et en plus, ils ont même trouvé, et là c'est encore mieux, c'est pas juste les sexes sont déterminés au hasard, et puis bah voilà, il y a des œufs qui vont être mâles, il y a des œufs qui vont être femelles, etc. Non, non, non, en l'occurrence, il se trouve que les mères, lorsqu'elles pondent les œufs, elles sont capables de faire en sorte qu'un embryon soit mâle ou femelle, et en l'occurrence, en fonction de la quantité de nourriture qui est dispo dans leur territoire, elles vont soit faire surtout naître des femelles, soit faire surtout naître des mâles. En l'occurrence, dans les territoires où la nourriture vient à manquer, on va plutôt faire des mâles parce qu'ils vont pas rester sur place, ils vont se disperser pour aller chercher d'autres territoires, ce qui va permettre peut-être de trouver plus à manger et de pas être un poids pour ce territoire sur lequel les parents sont. Et lorsqu'il y a beaucoup à manger sur le territoire et que tout va bien, et bien en ce cas-là, les mères vont surtout produire des femelles qui bah, pourront rester sur site parce qu'il y aura assez à manger pour elles et pour les futurs nichés. Et comme il y aura pas mal à manger aussi, ça veut dire que la mère pourra produire plus d'œufs et donc avoir plus de poussins l'année précédente grâce aux femelles qui vont rester avec elle, etc., etc. Et ça, Sophie, ça se contrôle par la température de l'œuf, c'est bien ça? Alors, normalement, c'est déterminé par les chromosomes, c'est pas déterminé par la température de l'œuf, ça, c'est plus chez les tortues, voilà, okay. C'est ça. Mm-hmm. Les tortues, les crocos, ce genre de choses, effectivement, vous allez trouver une température déterminée qui va déterminer le sexe de l'oiseau. Du reptile, autre que l'oiseau, évidemment. mais chez les oiseaux, non, c'est pas déterminé comme ça. C'est pas la température qui va déterminer ça. Non, je dis, c'est justement intéressant parce qu'en fait, c'est des études qui vont montrer aussi comment est-ce qu'on, c'est des vertébrés comme les oiseaux vont réussir à manipuler le sexe ratio qu'on va avoir dans ces nichés. C'est quelque chose qui se fait chez pas mal d'espèces, mais qui est quand même encore un phénomène qui est pas très très bien compris encore aujourd'hui, et qui demande un petit peu d'études supplémentaires. Donc ça, c'est intéressant aussi sur ces oiseaux-là. Est-ce que tu veux continuer peut-être avec... Eh ben, je vais continuer avec les résultats, parce que les gens se demandent, mais divorce, comment ça? Ah oui, c'est alors, vrai qu'on a... c'est un chiffre qui est compris entre 1% et 15,6%. Vous allez dire, c'est une amplitude qui est énorme. Et oui, parce que on a un taux de divorce d'en moyenne 6,4% par an chez ces oiseaux, ce qui est beaucoup, beaucoup moins que d'autres oiseaux qui appartiennent à la même famille comme la rousserolle turdoïde, qui a, elle, un taux de divorce de 85% par an. Donc, on est plus proche d'oiseaux, on va dire, qui sont très fidèles. Je crois, dans l'étude, ils prennent l'exemple d'un colombiné, si mes souvenirs sont bons. D'un pigeon et apparenté, mais je sais plus quelle espèce c'est. Alors, pourquoi? Parce que les sites de nidification sont plutôt très stables et l'environnement est connu. C'est normal, on est sur une île, tout le monde connaît à peu près où il est. Et c'est finalement eh bien, un environnement qui change assez peu par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur de plus grandes amplitudes géographiques. Mais ce taux, comme je l'ai dit, il est variable. Il est variable pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les précipitations, ou aussi, il faut le préciser, la sécheresse, puisque les périodes de sécheresse sont également problématiques pour les oiseaux, eh bien, ces périodes aussi bien donc, de forte pluviosité que de très faible pluviométrie, eh bien, vont faire en sorte que les oiseaux divorcent davantage. Et quand on parle de précipitation, tu as parlé de El Niño tout à l'heure, El Niño, qui est d'ailleurs une donnée qui a été rentrée dans l'étude, parce que comme tu l'as dit précédemment, on étale tout ceci sur environ une vingtaine d'années, donc de 97 à 2015, sauf qu'il y a trois périodes qui ont été conservées, donc cette période de 97 à 2015, à laquelle on a soustrait une période entre 99 et 2001, où visiblement on ne pouvait pas se rendre sur le terrain, donc du coup ce sont des informations qui ont été exclues de l'étude, et une période particulière, 97-98, avec ce qu'on appelle en météorologie, et ce qu'ils appellent aussi dans l'étude, un super El Niño, donc on va dire une perturbation météorologique extrêmement importante, une perturbation météorologique, pour vous donner une petite idée, qui aura coûté 33 milliards de dollars de dégâts lorsqu'elle s'est produite en 1997 et 98, et qui aura tué 23 000 personnes dans le monde. Et pour vous donner un petit aperçu de ce que donnait El Niño à cette période-là, les températures de l'eau de mer ont augmenté tout simplement de 2 à 3 degrés pendant quelques mois. C'est énorme. Et c'est énorme. Ce qui est énorme. Et bien évidemment, qui dit des océans plus chauds dit qu'il y a un énorme impact, notamment sur les récifs coralliens. Jusqu'à 90% des récifs coralliens ont été blanchis à la suite de cette hausse de température, et ça dit aussi phénomène météo extrême, et c'est avec 2015 la période où on retrouve le plus d'ouragans violents du 20e et du 21e siècle réunis, avec 17 cyclones tropicaux qui ont atteint, je crois, la catégorie 5, donc l'échelle la plus importante pour classer les ouragans. Donc voilà, on parle pas de petites modifications du climat. El Niño, et tu parlais de la Niña, c'est des grands ensembles climatiques. On avait eu l'occasion déjà d'en parler ensemble. Donc voilà, ils ont constaté que la probabilité de divorce, elle était étroitement liée à la quantité de pluie qui était tombée au cours des mois précédents. Ça, c'est important de le préciser, parce que on pourrait se dire, bah du coup ils divorcent au niveau de la situation qui a lieu, c'est-à-dire au niveau de la période de reproduction où il pleut beaucoup ou autre. Non, c'est avant cette période de reproduction que ces divorces, entre guillemets, s'amorcent, au cours donc des 7 mois précédant la saison de reproduction, et ils incluent aussi celle-ci, bien sûr, mais la période des 7 mois est quand même assez, assez importante à prendre en considération. Mais en gros, il y a plein de paramètres qui ont été récupérés. Comme tu as dit, effectivement, les précipitations sur les 7 mois précédant la période de reproduction, mais aussi les précipitations après la reproduction, et notamment le succès reproducteur de ces couples s'ils avaient essayé de se reproduire en fonction de la quantité de précipitations qui étaient tombées avant, après et pendant. Et ça, c'est aussi intéressant à considérer, parce que ça va nous permettre de savoir si c'est facile pour les jeunes qui sont au nid de survivre lorsqu'il pleut beaucoup à l'extérieur, et si tout ça, ça impacte leur succès à l'envol derrière. Ça, c'est aussi des données qui sont intéressantes à traiter, notamment dans un contexte de changement climatique comme ce qu'on a aujourd'hui, parce que ce sont des choses qui vont non seulement servir à cette espèce-là, mais aussi à la conservation d'autres espèces. Donc c'est pour ça que cette publication est intéressante, c'est pour ça qu'on voulait en parler tous les deux. Et elle est intéressante, et je pense peut-être qu'on conclura là-dessus, Sophie, et j'ai retrouvé justement dans mes notes ce que je voulais dire, et pour le coup, je vais presque citer l'étude, parce que bien que la période des précipitations prédisait le divorce et influençait la capacité des oiseaux à avoir une descendance, donc à pondre des œufs et à élever des petits, eh bien le fait de ne pas devenir parent n'a pas forcément rendu les couples de fauvettes de Seychelles plus susceptibles de divorcer. Et à l'inverse, certains oiseaux qui ont divorcé ont quand même réussi à produire une progéniture, voire plusieurs, ce qui pose, et c'est finalement, on va dire, la grande perspective de l'étude, d'autres paramètres à prendre en considération. Donc c'est pas uniquement les précipitations, c'est un paramètre parmi tant d'autres qui montre effectivement qu'il y a une accélération, entre guillemets, du taux de divorce lorsque les conditions climatiques ne sont pas bonnes, mais c'est un paramètre parmi tant d'autres, et ils le disent très très bien, d'autres facteurs plus complexes pourraient rentrer en jeu dans eh bien, ces cas de divorce entre oiseaux. Exactement. Enfin, merci de préciser tout ça. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette publication qu'on a, je pense, plutôt bien balayée ensemble. Ah, je pense qu'il y a eu pas mal de choses, effectivement. Non, bah, dans mon cas, ça m'a l'air intéressant. Il y avait aussi un petit truc, on a parlé des helpers tout à l'heure pour dire que voilà, ils avaient un mode de reproduction un peu différent avec les poussins des années précédentes qui venaient aider à s'occuper de la nichée de l'année suivante. Bah, en fait, ils ont aussi testé dans l'étude de voir si le nombre d'anciens poussins qui venaient aider avait quelque chose à voir avec la possibilité de divorce, parce qu'on se dit que peut-être, après c'est... On s'imagine peut-être que si jamais il y a beaucoup de bouches à nourrir et que bah, on est très très occupé et qu'on n'a pas forcément le temps d'aider, enfin, On n'a pas suffisamment de bras pour nourrir tout le monde, en quelque sorte. Peut-être que d'avoir des gens qui aident à côté, ça pourrait favoriser et diminuer le nombre de divorces aussi, voire même avant la couvée. Si vous avez encore des oiseaux des années précédentes, des jeunes qui sont encore sur place dans le même territoire, on pourrait supposer que peut-être ils sont plus à même de ne pas divorcer et d'avoir des couvées qui vont réussir cette année-là, et en fait, pas vraiment. Il semblerait que ça n'ait pas trop d'impact sur le taux de divorce, donc vous pouvez vous faire aider, mais ça vous empêchera pas de divorcer. Mais voilà. Il y avait une étude qui avait été réalisée sur le jet de Stellar, donc complètement un autre oiseau, même si on reste dans les passeriformes, qui montrait qu'à partir de 3 helpers, l'aide n'était plus vraiment... Il n'y avait plus de bénéfices, en fait, à tirer de l'aide. Et là, quand j'ai lu l'étude, je crois qu'on montait jusqu'à 7 ou 8 helpers, ce qui est énorme. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui, quand même, mais... » Ils font comment pour... Donc, il se peut aussi que le fait qu'il y ait beaucoup de helpers ne jugule pas le paramètre du divorce. Faudrait aussi, ça fait je pense partie de ces paramètres à prendre en considération, savoir si on a un helper ou deux ou pas, savoir si effectivement le taux de divorce est plus important. Mais je crois qu'il est pas, ils l'ont pas. Non, je crois que ça n'a pas changé grand chose visiblement. Ils avaient testé, mais par contre ce qu'ils avaient testé dans une précédente publication, c'était savoir si avoir des aides lors de la reproduction, ça permettait aux parents de moins se fatiguer et surtout de rester en forme plus longtemps, parce que vous savez que cet épisode de reproduction chez les oiseaux, c'est particulièrement énergivore, et notamment ça enclenche des phénomènes de sénescence, c'est-à-dire que l'oiseau va vieillir plus vite à cette période-là, parce que ça demande tellement d'énergie à l'oiseau que des fois il en vient à pas suffisamment manger, pas suffisamment prendre soin de soi en quelque sorte, et du coup il vieillit plus vite. Et en fait avoir des aides comme ça lui permet de rester en forme, en bonne santé plus longtemps, parce que du coup il se fatigue moins. Absolument. Voilà. Et si vous posez encore la question, parce qu'on n'y a pas répondu, mais comment ils ont fait pour identifier chaque individu, c'est que on a énormément d'individus donc qui ont été bagués, qui sont tracés depuis 1985. Donc on sait à peu près qui est qui, et donc on peut très facilement établir les différents couples et, le cas échéant, les divorces qui se sont produits entre les différents individus. Voilà, une information, peut-être une question que vous posez peut-être dans cette étude, qui méritait une petite réponse. Exactement. Du coup, je pense qu'on a déjà bien balayé le sujet. Écoute, Sophie, je pense qu'on est pas trop mal, honnêtement. Je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à cet épisode. Merci beaucoup, Sophie, de m'avoir assisté sur cette étude. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais c'était une très jolie étude. Merci à toi. Écoute, de rien. Promis, la prochaine fois, je prends un sujet différent et je t'avertis dans les temps de mon changement de sujet. Sinon on espère que cet épisode vous a plu. Mais avant toute chose, Sophie, on te retrouve où ? Et comme d'habitude, sur Twitter, sur Instagram @leplumeux et sur YouTube, la chaîne Entracte Science. Et vous nous retrouvez bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming, vous nous retrouvez également sur YouTube, vous nous retrouvez aussi sur Twitter si jamais vous voulez suivre un petit peu, genre vraiment un tout petit peu, l'actualité de l'émission et puis quelques petites anecdotes qu'on vous met de temps en temps. Sachez aussi que je suis présent sur Blue Sky, donc si jamais vous êtes présent là-bas, n'hésitez pas à venir aussi, je parle aussi d'oiseaux comme à l'accoutumée, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes, à plus.